Section 46 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Deuxième partie, chapitre 15. Les choses continuèrent à aller de mal en pis en prenant chaque jour un caractère de plus en plus menaçant. Non content d'allumer de temps en temps sa bougie pendant la nuit, Emmanuel voulut qu'une lampe brûlât toujours dans sa chambre. Puis bientôt, ne trouvant plus la lampe suffisante, il fit installer dans cette chambre plusieurs becs de gaz qu'il allumait lui-même tous les soirs et qu'il n'éteignait que le matin. Puis, tout cela ne suffisant pas encore à le défendre contre les visions qui le poursuivaient, il voulut quitter cette chambre et en prendre une autre. « Il est certain, dit-il à sa femme, qu'elle est en communication avec la maison voisine. Il y a quelques portes bien cachées dans le mur mitoyen, où je n'en sais rien. » Je la vois s'ouvrir pendant mon sommeil, mais lorsque je suis éveillé, naturellement, je ne la trouve plus. » Il s'installa dans la partie opposée de l'hôtel, et non content de cette précaution, il fit mettre des serrures de sûreté aux portes et aux fenêtres, qu'il ferma soigneusement tous les soirs. Il ne pouvait dormir que s'il sentait son trousseau de clés sous son oreiller. Tout cela n'était que trop significatif, et Charlotte vivait dans une angoisse continuelle. L'explosion qui s'annonçait par ces signes pouvait se produire d'un moment à l'autre, et elle était sans moyen pour la prévenir ou l'arrêter. Quand ses transes étaient trop vives, elle voulait consulter un médecin, mais elle rejetait aussitôt cette idée. À quoi bon s'adresser à un médecin, puisqu'elle ne pouvait pas employer le remède qu'il lui ordonnerait? Elle espérait qu'en gagnant du temps, elle le sauverait. Pour elle, tout était là. Et le temps s'écoulait lentement, il est vrai, pour son anxiété, mais enfin les heures, les journées se passaient. Encore 2 semaines, et le terme fatal serait atteint. Ce n'était plus qu'une affaire d'heures et de jours. Puisqu'elle avait réussi jusque-là, devait-elle désespérer maintenant? Malheureusement, les symptômes prenaient chaque jour plus de gravité. Il ne dormait presque plus. Parfois même, il ne voulait pas se coucher. Il passait la nuit à marcher dans son cabinet en lisant à haute voix le premier livre qui lui tombait sous la main. D'un autre côté, son irritation était devenue extrême. Il s'exaspérait à propos de tout, même contre sa femme. Après lui avoir si instamment demandé de rester toujours près d'elle, il ne voulut plus qu'elle l'accompagnât lorsqu'il sortait. Ce fut pour Charlotte une crainte nouvelle à ajouter à toutes celles qui la tourmentaient déjà. Pourquoi voulait-il être seul maintenant? À quel danger était-il exposé? Elle n'eut que trop tôt une réponse à ses questions anxieuses. Un matin, qu'elle était avec lui dans son cabinet, le valet de chambre entra, apportant une carte qu'il remit à Charlotte. Elle la regarda, et se tournant vers son mari, « Le docteur Verbiste, oculiste, dit-elle, tu connais ce monsieur ?» Sans lui répondre, Emmanuel se leva vivement, et s'adressant au valet de chambre, en le menaçant de la main, « Vous ne faites que des sottises, s'écria-t-il. C'était à moi qu'il fallait remettre cette carte, et non à madame. » « Madame a étendu la main, répliqua le domestique, sans rien perdre de sa dignité. « Vous répondez encore. Je vous chasse. Vous entendez? Votre vue m'exaspère. Sortez, mais sortez donc !» Charlotte fit un signe au domestique qui sortit immédiatement, sans répliquer. Emmanuel allait le suivre, mais elle l'arrêta. « Tu ne m'as pas répondu, » dit-elle. « Répondu à quoi ? Je t'ai demandé si tu connaissais cet oculiste. Certainement. C'est un homme très remarquable. Un Belge. Ses ouvrages sur les maladies des yeux sont connus de tout le monde. Je ne t'en ai jamais entendu parler. Je n'avais pas eu à m'occuper de lui jusqu'à ce jour. Maintenant, j'ai besoin de lui. » « Tu l'as donc demandé ? » dit Charlotte, qui commençait à s'inquiéter. « Il était convenu qu'il viendrait ce matin. Je l'attendais. Sonne, je te prie, et dis qu'on le fasse entrer. Tu nous laisseras ensemble. J'ai à lui parler. » Elle fit ce qui lui était demandé, et presque aussitôt, elle vit entrer un homme d'une 50aine d'années, à la tournure grave, ayant en tout l'air d'un ministre anglican, qui, dès la porte, lui lança un coup d'œil qui semblait dire qu'il voulait lui parler en particulier. Surprise, elle le regarda plus attentivement, et elle le vit, au moment où Emmanuel ne pouvait pas l'observer, répéter sa demande. En même temps, il passa mystérieusement un doigt sur ses lèvres. Il n'y avait pas à se méprendre sur cette pantomime parfaitement claire. Il voulait un entretien qui ne devait pas être connu d'Emmanuel. Que signifiait ce mystère? Si le docteur Verbiste avait été un médecin ordinaire, elle eût pu avoir des soupçons. Mais un oculiste? Comme elle restait immobile, cherchant à s'expliquer ce qu'elle ne comprenait pas, elle sentit que les yeux d'Emmanuel se posaient sur elle. Il voulait qu'elle sortît, et sous peine de provoquer un mouvement d'impatience, peut-être même une scène, elle ne pouvait qu'obéir. Elle se dirigea vers la porte, mais à ce moment le docteur Verbist intervint. « Est-ce que madame est obligée de sortir ? » demanda-t-il. « Je vous laisse seule, » dit-elle. « Alors, madame, si vous n'avez pas d'autre raison pour nous quitter, je vous prie de rester. » « Cependant, » répondit Emmanuel, « je n'ai point amené d'aide, » continua le docteur, « car l'opération que j'ai à vous faire est pour aujourd'hui des plus simples. »« Une opération ?» demanda vivement Charlotte. « Rassurez-vous, madame, » répondit l'oculiste, « presque rien. » « À vrai dire, » continua Emmanuel, « il s'agit plutôt d'un pansement que d'une opération, n'est-ce pas, docteur ?» Et croyant n'être pas vu de sa femme, il fit au médecin un signe pour lui dire de l'appuyer. « Sans doute, » répondit le docteur Verbist, « et c'est précisément pour cela que je n'ai point amené d'aide, comme je vous le disais. Cependant, je serais bien aise d'avoir quelqu'un près de moi pour me donner ce qui m'est nécessaire, et je pense que madame pourra mieux que personne m'être d'un utile secours. » Charlotte écoutait avec surprise, comprenant de moins en moins ce que tout cela signifiait. Quelle était cette opération qu'elle apprenait par hasard? Pourquoi Emmanuel ne lui en avait-il pas parlé? Pourquoi voulait-il la lui cacher? Pourquoi le médecin lui faisait-il des signes mystérieux? Elle se perdait dans toutes ces questions. Évidemment, il se passait quelque chose de grave. Mais quoi? Pendant qu'elle réfléchissait, Emmanuel tira le médecin dans l'embrasure d'une fenêtre et lui dit bas quelques mots à l'oreille. « Parfaitement, » répondit le médecin, « vous pouvez compter sur moi. Il sera fait comme vous désirez. Qu'allait-on faire ? » ?»« Voudriez-vous, madame, » dit le médecin, s'adressant à elle, « avoir la complaisance de me procurer un foulard et une feuille de ouate ?» Elle sortit pour aller chercher ce qu'on lui demandait. « J'aurais voulu, » dit aussitôt Emmanuel à mi-voix, « que ma femme ne connût pas cette opération. Je vous l'avais expliqué hier. Mais elle ne la connaîtra pas. Cependant, il me sera bien difficile maintenant de ne pas répondre à ces questions. C'était pour éviter ces questions que je vous ai prié hier de demander à me voir seule. C'est aussi ce que j'ai fait, mais le domestique auquel je me suis adressée m'aura mal compris. Me trouvant en présence de madame, j'ai cru que pour mieux entrer dans votre idée, je devais paraître agir avec franchise. Voilà pourquoi je lui ai demandé de me servir d'aide. Après mon départ, rien ne vous sera plus facile que de lui donner l'explication que vous voudrez. Kératite, iritis, sclérotite, rétinite, vous n'aurez que l'embarras des noms. « Ah, parfaitement !» dit Emmanuel avec satisfaction. Charlotte rentra et donna au médecin ce qu'il avait demandé. Celui-ci plia le mouchoir en large cravate, puis cela fait, il prit sur le bureau d'Emmanuel une feuille de papier, la coupa en petits carrés et roula ceux-ci comme s'il avait voulu en faire des allumettes. De plus en plus étonnée, Charlotte regardait ces étranges préparatifs. Quand tout fut prêt, le médecin lui mit dans les mains un foulard plié et la feuille de ouate, et il pria Emmanuel de s'asseoir dans un fauteuil en pleine lumière. « Que dois-je faire ? » demanda celui-ci. « Rien, monsieur. Vous tenir immobile seulement. » Quand je vous aurai introduit dans les yeux, au moyen de ces allumettes en papier, la pommade que vous savez, je vous banderai les yeux avec cette ouate et ce foulard, et vous resterez tranquille dans ce fauteuil pendant 10 minutes. Alors je vous examinerai. » Le médecin tira de sa poche une petite boîte en buis, puis, ayant trempé dedans le bout de ses allumettes en papier, il le passa sous les paupières d'Emmanuel, cela fait, il lui banda les yeux avec la ouate et le foulard. À peine avait-il fait cette opération qu'il fit signe à Charlotte d'attendre à l'autre bout de l'appartement. Mais comme elle se préparait à obéir, Emmanuel, qui n'avait cependant pas pu voir ce signe, puisque ses yeux étaient hermétiquement clos, la retint près de lui. « Reste là, » dit-il, « donne-moi la main, le temps me sera moins long. » En entendant ces quelques mots, le médecin leva les bras au ciel dans un mouvement découragé. Décidément, il ne pourrait par aucun moyen arriver à avoir l'entretien qu'il avait demandé. Pendant quelques secondes, il resta plongé dans une réflexion attentive, cherchant évidemment comment il sortirait de cette nouvelle difficulté. Tout à coup, il fouilla vivement dans sa poche, et en ayant tiré une carte, il écrivit dessus quelques mots au crayon. Il était à la gauche d'Emmanuel, tandis que Charlotte était à droite. Ils étaient donc séparés par une distance d'à peu près 2 longueurs de bras. Il fit signe à Charlotte d'allonger la main et, sans faire de bruit, de prendre la carte qu'il lui tendait. Elle obéit. « Lisez, » dit le médecin par un coup d'œil expressif. Elle lut « Docteur Verbiste, numéro 31, rue de la Chaussée d'Antin. » Puis au-dessous, écrit au crayon « Venez me voir demain de 2 à 4 heures pour une communication des plus graves. Il s'agit de la vie de votre mari. » Elle le regarda épouvantée. Il lui confirma par un signe de tête ce qu'il venait d'écrire. « Pourquoi ta main tremble-t-elle ? » demanda Emmanuel. « Qu'as-tu ? » « Veuillez ne pas bouger, » dit le médecin d'un ton de commandement. « Mais ne parlez pas. Encore 3 minutes et je vous rends la liberté. » Au bout des 3 minutes, l'oculiste enleva le bandeau. Ayant soulevé les paupières, il parut satisfait de son examen. « Maintenant, » dit-il à Emmanuel, « vous allez garder la chambre aujourd'hui toute la journée, en priant madame de vous faire la lecture d'un livre intéressant pour passer le temps. Demain, vous resterez encore enfermée jusqu'à 2 heures. De 2 heures à 4 heures, vous sortirez et vous marcherez rapidement autant que possible. Là, vous ne serez pas exposée à la poussière, au bois de Boulogne, par exemple. Je reviendrai après-demain. » Sur ce mot, il salua et sortit. Fin de la section 46.